Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. La chronique historique musicale Phénomène avec Simon Fitzbé. Et on parle politique avec François Landry. On a aussi la musique canadienne de Kiwan en cavale en Alberta. Assemblage requis commence maintenant. Jeudi matin. Oui. Bienvenue à Assemblage Records ce jeudi 9 février 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et c'est notre dernière journée de la semaine où le jeudi à Assemblage Requis. Donc, on a un plan, là. Pas chargé. Les plus merveilleux, c'est oui. Ça a été une semaine, mon Dieu, hein. Comment on pourrait dire ça? Ben, rempli. Loadée. Chargée, lourde. Lourdée. Si on veut faire un genre de mélange entre lourde et l'eau. Mais bon, ça tire à sa fin, mais la dernière n'y échappe pas. Et voilà, elle est grosse elle aussi, comme les autres. Hein? Donc, on va voir Kiwan en cavale à 7h15, lui qui est d'habitude le lundi et qui va l'être la semaine prochaine aussi, mais il a raté sa chronique cette semaine, donc on se reprend en ce jeudi matin, 7h15. Musique canadienne, il va nous présenter là-dedans des groupes que peut-être que vous ne connaissez pas. Espérons-le. Ouais. Teen Days et l'artiste Jordan Klassen. Ça me dirait. On va parler tout à l'heure avec lui. Ensuite, à 8h, on va avoir la chronique Phénomène avec Simon Fitzbé. Et aujourd'hui, il fait le survol des autres formes de médias. Parce que vous le savez, depuis le début de la session, pas mal, on a parlé des cassettes, des MP3, des vinyles, un paquet de choses comme ça. Là, aujourd'hui, c'est le reste. Dont les 8 pistes, j'imagine. Okay. Sûrement. OK, espérons-le. Oui. Voilà, ça va être intéressant. Et puis à 8h30, François Landry, qui nous parle de politique. Est-ce que tu sais de quoi il nous parle? Oui, il nous parle de la CAQ. De la CAQ. Attends un peu, hey, j'avais son titre juste là. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Faire comme mon René Angélil. Ah ouais, non. J'en ai une petite chance. La confrontation caquiste. La confrontation caquiste. Voilà. OK. Formidable. Ça, c'est vers les 8h30. Exactement. Et la raison de ma recherche de son sujet, c'est que notre site web aujourd'hui ne fonctionne pas. Ah non? AssemblageRequis.com. Hein? Donc, les notes de l'émission ont passé par la page Facebook Assemblage Requis. Et il y a un beau petit lien vers les liens, finalement. C'est un lien vers les liens. Hein? Simple à comprendre, ça. Pas pire. Mais c'est pas pire. Parce que YouTube, ça marche. Il n'y a pas vraiment de recherche à faire pour vous. Là. Donc, voilà pour ça. Et on va commencer l'émission avec Cœur de Pirate sur son album Blonde. Voici Golden Baby. Au 89 FM, c'est fou. Bonne émission. Mes petits bébés. Little baby! Ils sont gros comme ça. Les petits bébés. Rie pas de bébé. Je t'ai vu d'un œil solitaire, le pied dans l'arène pour te plaire, et briller au regard que j'ignorais. T'es plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte. Et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, c'est tout pour plaire. En ton silence, tu restes fier de croire en ce qui n'existerait pas. Et si tu veux de moi. On s'est et retrouver tes rires et tes sirènes. Mais quand je l'ai vu près de toi, c'est qui en chanson reprend vie. Je sais maintenant que tu m'avais menti. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer. On sait lumière qui donne vie à nos nuits. Golden baby, sans tout pour plaire, dans ton silence tu restes fier. De croire en ce qui n'existerait pas. Et si tu veux de moi, Il saura jamais. Bravo, Funken. Ça se peut-tu pareil? Il saura jamais. Jamais, il va savoir ça. Zombies de Bravo Funken, comme tu l'as dit, sur leur merveilleux maxi cœur Rubik qu'on adore ici à Assemblage Rocky. François-Olivier, maintenant, avant de passer à Kiwan en cavale en direct de l'Alberta et sa musique canadienne, t'as une petite suggestion musicale pour nous? Oui, exactement. Écoute, c'est pas canadien, mais c'est excellent quand même. Et c'est la formation de Lost Patrol avec la pièce All Right. Et tu vas voir, ça met quand même de bonne humeur et... Et t'as de la difficulté à pas taper du pied. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu me mets au défi? Ouais, donc. Je te vois. Oh non! Oh non! Mon pied! Échoué. 20 days and I needed a sign. I tried to tell you that the woman is blind. You can say whatever you want to say. You were shining, she was ready to go. While you were running, she was ruined to soul. And when you stayed, she was ready to go. I know what to know, but all you needed was to say goodbye. And I say, and I pray. Cause love will never walk away. Cause I'll do anything to make you feel that it's alright. The world is alright. I'll do anything to make you see that it's alright. Now it's not too late to set the fire on fire. When I shine, you're ready to go. set the fire on fire. La formation de Lost Patrol avec la pièce All Right. Hey, t'as bien choisi. Hein? T'as tapé du pied, je t'ai vu. Mais hein, j'arrêtais plus. Gars, yeah, il est même pas encore arrêté, là. La chanson est finie. Là. Oh mon Dieu. Des maisons, hein, cette image-là. T'aimes pas ça? Pas particulièrement, non. Ah ouais. Donc, à la place, je vais me servir de mes pieds pour appuyer sur la pédale à cause. Non. Je pèse pas ces boutons du clavier avec mes pieds. Oh. C'est sale, mes pieds. Oui, non? Ben oui, c'est vrai. La pédale pour aller voir Kiwan en cavale. Bonjour, Kiwan. Bonjour. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien, et vous, les garçons? Ça va? Ça va, la semaine finie. D'habitude, on te rencontre en plein début de semaine à 7h15 le lundi. Là, on ben oui, c'est étrange, ça. Ben oui, drôle de phénomène. D'après moi, c'est à cause du Super Bowl qu'on t'a... Je sais pas, peut-être. T'as mangé de l'onion ring? Tu t'en rappelles plus? Ouais, c'est ça. Blackout total. Donc, Kiwan qui est en direct de l'Alberta pour nous parler de musique normalement canadienne. Est-ce que c'est bien le cas aujourd'hui? Oui, c'est bel et bien deux artistes canadiens dont je veux parler aujourd'hui. Mais peut-être, juste avant de parler de ces deux artistes, je voulais faire un petit clin d'œil à Dan Mangan et aux Junos. Vous avez probablement entendu parler de la liste des nominations aux Junos qui a été dévoilée cette semaine. Un peu, mais pas tant que ça, honnêtement. D'habitude, il y a tout le temps quelqu'un qui finit par couvrir ces affaires-là, puis en ce moment, on dirait qu'il n'y a personne qui le fait. Non, c'est vrai. Ah, ben voilà. Mais en même temps, c'est que c'est pas si pertinent non plus, les Junos. C'est un peu la version canadienne-anglaise de la disque. Ouais. C'est commercial. Pardon? D'habitude, c'est commercial en général. Oui, exactement. C'est ça. C'est des artistes qu'on n'a pas trop l'habitude d'écouter. Et puis, il y a vraiment énormément de catégories. Là. Juste dans la musique classique, il y a quelque chose comme environ 5 catégories. Il y a beaucoup de catégories de musique qui sont des types de musique qui passent pas du tout à ces fous. Puis même en général, là, les catégories les plus populaires, c'est la musique qui passe pas vraiment assez fou, mais je voulais juste faire un petit clin d'œil comme ça à Dan Mangan qui a 4 nominations cette année aux Junos. Puis moi, je me demandais depuis un petit bout de temps si Dan Mangan c'est seulement un phénomène local ici dans l'Ouest, parce que je sais qu'à Calgary et Vancouver, les gens sont complètement gaga de Dan Mangan. Ils sont des manganiacs. Ouais, exactement. mais je me demandais si cette folie-là avait gagné le reste du Canada. Puis j'avais l'impression que vraiment pas. J'avais l'impression que c'était très local comme phénomène. Puis finalement, on dirait que le Canada au complet quand même connaît un peu ou reconnaît le succès que Dan Mangan a eu dans la dernière année. C'est une épidémie. En nomination pour un nouvel artiste de l'année, vidéo pour Rose of Houses, songwriter de l'année, auteur de l'année, et puis album alternatif de l'année. Et je crois que la seule autre artiste qui a 4 nominations aussi au Junos, c'est Feist. Feist? Oh, c'est quand même beaucoup pour le jeune homme de Vancouver. Ouais, exact. Donc voilà, c'est ça, je n'éterniserai pas trop sur les Junos, étant donné que le reste, ce serait plus ou moins intéressant. Je veux vous parler d'un artiste, deux artistes en fait de Vancouver. Que vous connaissez peut-être Jordan Clarkson. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Je crois que la seule fois qu'on en a fait jouer, c'était toi qui en avais présenté il y a quelques temps de ça, quelques années. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est très possible parce qu'en fait, c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui avait présenté un album en 2009. L'album s'appelait Tempest and Winter. C'est un album que j'avais adoré. Et j'en avais joué quand même assez souvent à l'époque, assez fou. Entre autres, la pièce Ask Me Not, Astronaut, que j'avais vraiment fait passer beaucoup. Depuis ce temps-là, depuis 2009, Jordan Clarkson avait sorti un petit EP en 2010, mais qui avait vraiment pas pogné, que moi-même, qui est un grand fan de Jordan Clarkson, j'avais pas aimé le EP Saint Bridget en 2010. C'était vraiment très, très folk, très minimaliste. On retrouvait pas toutes les petites mélodies puis tous les arrangements un peu catchy là, qui caractérisaient l'album Tempest and Winter. Donc, j'avais vraiment passé par-dessus ce EP-là. J'avais pas trop apprécié. Et puis là, il nous revient avec un autre EP de 4 pièces, avec une version de 4 et une version de 5 pièces. Le EP s'appelle Kindness. Il est sorti cette semaine, 7 février dernier. Et il y a une version du EP que vous pouvez acheter qui a 5 pièces parce que il y a un remix sur cet album-là de la pièce justement Ask Me Not, Astronaut de l'album Tempest and Winter. Et ce remix-là, en fait, est fait par l'autre artiste dont je veux vous parler. Donc, il y a vraiment un lien ici. Vous voyez le lien entre deux artistes. C'est incroyable. Teen Days, l'autre artiste de Vancouver dont je voulais vous parler, a fait le remix de cette pièce-là, Ask Me Not, Astronaut, et ça se retrouve sur ce EP-là. Et Teen Days, c'est un artiste électro, typiquement électro, là, donc pas trop d'autres influences dans sa musique. Donc c'est un artiste de Vancouver aussi, ça fait quelques années qu'il fait quelques EP, des singles, fait beaucoup de remix aussi. Puis là, il s'apprête à sortir son premier album complet, son premier long jeu. Ça va sortir le 22 mai prochain. Et il y a une pièce que vous pouvez écouter déjà sur différentes plateformes concernant Teen Days, sur son Bandcamp ou Facebook ou MySpace, peu importe ce que vous utilisez. La pièce s'appelle Brooklyn Sunbird. Je vous dis tout de suite, c'est très, très électro. Là. C'est un type de musique peut-être qu'on est un petit peu moins habitué de passer. C'est pas très pop. Mais quand même, je trouvais ça très bon puis je voulais vous la faire entendre. Donc, je vous suggère qu'on écoute ensemble la pièce Brooklyn Sunbird. Et ensuite de ça, on pourra écouter un extrait du nouveau EP de Jordan Clarkson. Ça, c'est j'ai peut-être pas parlé trop du style. Hein. C'est pop. Avec des influences très folk, mais c'est quand même très mélodique. Il y a beaucoup d'arrangements, beaucoup de sonorités différentes dans la musique de Jordan Clarkson. Et ensuite de ça, on pourrait écouter le mélange des deux, la pièce Ask Me Not, Astronaut, remixée par Teen Days. Wow, c'est comme si tu faisais de la gouache et que tu mélangeais les couleurs. C'est beau. Exactement. Avec tes doigts. Clut, clut, clut, clut. Je suis un artiste de la programmation. Ben oui, exactement. Un artiste. Ah. C'est tellement beau à voir que j'en ai des émotions qui me sortent. Donc, Kiwan, non, très bon bloc. Ouais, c'est senti, exactement. Ça sent très bon. Donc, on va te retrouver lundi matin à 7h15 dans ta case régulière. Oui, exactement. Et on te remercie. François, est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à la température? Ouais, c'est ça, le bulletin spécial en direct de l'Alberta. Il fait quoi, là? Bulletin météo, depuis quelques semaines, là, même depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé, il continue de faire chaud, en fait. Tous les jours, là, il fait en moyenne, je dirais, de 5-6 degrés, puis il fait soleil. On dirait vraiment que c'est le printemps. Ouais, mais je continue. Fun. Moi, il y a plein de gens là, qui s'énervent, là, qui se disent « Ah, wow, le printemps est arrivé », mais non, moi, je suis prudent. Là, j'attends du moins 40 pour bientôt. Je le sens, ouais. Là, ça s'en vient. Ouais. Ben, au moins, tu peux au moins sortir ta main par la fenêtre de ton camion. Oui. Un petit peu. C'est fun, ça? Tu fais ça des fois, non? Les petites vagues. Pour faire l'avion, avec mon bras. Exactement. Oui, je le fais tout le temps. Cool. Bon. donc, merci encore, Kiwan. Merci, Kiwan. Merci à vous. Bonne journée. Bonne semaine, les gars. Bye. with your head where the light always crept through the glass to your bed, and you breathe and your breath, it is mine and your heart, and it stops when it starts. When it's fast, it's mine. Be in the eye where the warmth and the cry and the truth are at rest, and your odds and your best, they are mine. If you're shy, hit the streaks in the sky, shake the window. No, I was like you, and the sun came down, and the dust blew around over me. Come beside me, with the pen in your hand, and your hand in my hand. Go to me, go to me, go to me. Go to me, go to me, go to me, go to me, go to me. Let me give, let me talk, let me live in your pillow. Feel your fear, whisper words in your ear, like your kites in a box, at your bones, in the docks, and you're sleeping. Je pense qu'on a tous les deux aimé ce beau petit bloc de Kiwan. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, excellent. Ça, c'était Jordan Klassen, remixé par Teen Daze. La pièce s'appelle Ask Me Not Astronaut. Avant, on a eu Jordan Klassen tout seul avec Go To Me. Et au début, Teen Daze tout seul avec Brooklyn Sunburn. Voilà pour ce bloc Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Merci, Kiwan. Merci. On le retrouve lundi à 7h15. On prend une petite pause et on revient après ça avec la chronique C'est un fait. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Toujours à l'Assemblage Requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Bon matin. Bon matin. Bon matin tout le monde. Bon matin la Mauricie. Ça fait sérieux tout d'un coup. Bon matin Trois-Rivières, ici Mathieu Plante. Non? Vos nouvelles... avec les nouvelles locales. Non, à la place de faire les nouvelles locales, on va y aller avec du divertissement. Hein? C'est un peu ça qu'on veut faire le matin, vous divertir. Allons-y! Allons-y maintenant! Danse. C'est pas une petite danse avec moi? C'est tout ce que je veux faire. Bravo! Voici C'est un fait. Non. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est un fait qui est la chronique véridique, véritable et vérifiable. On vous parle de la journée qu'on est aujourd'hui. On est le 9 février et c'est la journée nationale de la lecture dans le bain. La lecture dans le bain. Lecture dans le bain. Attention au ratatinage. Ouais. Des pages et de votre corps. Ouais. T'as déjà lu dans le bain? Est-ce que tu prends ton bain des fois? Ben, ouais, c'est rare. Ça fait des années, je pense, que j'ai pas pris un bain. Non, mais... Ça doit pas faire si longtemps que ça, moi, là. J'en prends au moins un par année. Non, ouais, pas vrai. Bon, un petit peu de salle de mal, des petites bulles. Non, pas tant que ça. Non. Mais tu sais, quand ça fait le poids, tu sais, t'as le goût de relaxer. Et là. Voilà. Chillax. Bon. Chillaxer. Ouais, dans le bain. Les carnets de notes, les livres de notes de Marie Curie sont encore aujourd'hui radioactifs. Les chercheurs qui veulent les voir doivent signer un document disant que sont... ils ne peuvent pas être tenus responsables. J'imagine le musée ou l'endroit où c'est tenu en garde. Livre de Marie Curie. Eh bien. Jusqu'à ce que le café gagne en popularité, quel breuvage était le breuvage de choix au déjeuner dans certaines parties des États-Unis, selon toi? Comment tu dis ça? Le breuvage de choix que les gens buvaient au déjeuner. Non, avant que le café soit populaire. Je dorme? Non. De la bière. De la bière? Bière. Okay. C'est un bon petit déjeuner, ouais, ça. Ça part bien la journée. Ça goûte bon. Ouais, je suis pas contre, hein, tu sais. Un petit verre de Pepsi, même, le matin. Mmh! Hein? Ah, pas tout le temps. Non? Un petit brownie, hein? Non? Pas tout le temps, non. Pas tout le temps. C'est ça que tu fais? Non, mon père fait ça. Ah. En 1980, Détroit, la ville de Détroit, a présenté à Saddam Hussein la clé de la ville. Pourquoi? Okay. Parce qu'il avait fait des dons à leur église, la Chaldean Sacred Heart Church. Donc, ils lui ont donné la clé de la ville à Saddam Hussein, tu sais. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la vitesse du son, Einstein dit qu'il il disait qu'il n'y avait pas cette information-là sur lui parce que de toute façon, cette information était disponible dans les livres. Donc, pas besoin de retenir ça. Tu vois, c'est peut-être le secret de Einstein. Ouais. C'est peut-être de ne pas tout retenir nécessairement. T'sais. Ouais, mais c'est pas bête, mais tu sais, il va pas dire ça à ton prof. Là. Non, c'est sûr. Hey, écoute, il l'a pas retenu. De toute façon, il est dans un livre. Ce serait pas pire, hein? Pas sûr que ça passe. Non, essaye-toi, toi. Si c'est bon pour Einstein, c'est bon pour toi. Hein? Depuis les 5 dernières années, les chances qu'un avion américain ait un accident fatal étaient d'une sur 49 millions. OK. 49 millions. Très bien. Quand l'inventeur... Celui-là, on l'a déjà fait. Je sais pas. Non, ce n'est pas le jour de la marmotte. Je sais que j'ai déjà fait ce fait-là, mais c'est le prochain qui va être intéressant. Je vous ai déjà parlé, donc, l'inventeur de la canne de Pringle... Là, tu sais, quand c'est fait, quand il est mort, il a fait mettre ses cendres dans une canne de Pringle. Bon, tu te rappelais de ça. La suite de ça, c'est que quand le créateur de Doritos, Arch West, est mort l'année passée, sa famille a demandé à ses amis de mettre un petit peu de Doritos partout dans son cercueil. OK. Doritos partout. C'est ce qu'il avait fait de plus mémorable dans sa vie. Drôle. Sais-tu que le lait des hippopotames est rose? Non, je sais pas. Ben, c'est ça. Comme du lait aux fraises. Comme du quoi aux fraises. La même chose. Ça n'a pas coûté la même chose. Ouais, OK. Vince Neil. Tu connais le groupe Motley Crue? Ouais. Motley Crue, ben le groupe de musique. La, la, la, la, la, Motley Crue, la, la, la. Qui fait pas cette chanson-là, oui. Non, non, mais c'est celui-là, par contre. On décide d'ajouter des umlauts. Tu connais les umlauts? C'est des petits accents, là, ce qu'on appelle des trémas en français. OK. Des trémas. Donc, il a décidé d'ajouter des trémas au nom Motley Crue, parce que vous savez, Motley Crue, ça s'écrit M-O avec des petits trémas, T-L-E-Y, espace C-R-U, des petits trémas E. Ouais. D'accord. Il a décidé d'ajouter des umlauts en buvant de la bière. Et là, évidemment, moi étant pas un très grand prononceur d'allemand, la bière, là, comment ça s'appelle? Leuvenbräu. Ouais, quand même. Donc, j'imagine que Motley Crue serait Mettre les crêpes. OK. Mais le gars, Vince Neil, là, il dit, et je cite, on savait pas que c'était une question de prononciation. Hey, dude! Pas fort. Accents, à quoi tu penses ça sert un accent? Non, c'est ça, là. Dans n'importe quelle langue, là? Eh bien. Hey, pas fort. Ah, oh, mais c'est juste beau. En allemand, ils mettent ça parce que c'est beau. Logique. Non? En rigueur. Bizarre, ça. Ça fait dur. Sinon, Kansas City Chiefs, le propriétaire des Kansas City Chiefs, qui est évidemment une équipe de. Kansas City les Chiefs? Football? Hey, c'est une bonne question, peut-être. Non, c'est une équipe de football, je sais, c'est parce que j'essaie d'avoir la réponse. Ah. C'est une équipe de football. Donc, le propriétaire Lamar Hunt a dit qu'il a trouvé le nom Super Bowl. OK, le Super Bowl. Ouais. Après avoir regardé ses enfants jouer avec une Super Bowl. Donc, tu sais, quand on fait des blagues de choses qui rebondissent, là, genre une partie remplie de rebondissements, c'est même Super Bowl. Il y a personne qui fait ces jeux de mots-là, mais bon. Donc, c'est de là que ça vient. OK. C'est intéressant quand même. Ah ouais, si on veut. C'est selon, là. Finalement, en 1977, la pre-game du Super Bowl, donc l'avant-match du Super Bowl, ouais, avait comme artiste invité Ashley Whippet, qui était un chien qui attrape des frisbees. Ils savent plus quoi faire. Tu sais, en 77. En 77. Ashley Whippet. Eh boy. J'espère qu'ils ont ramassé les besoins sur le terrain après. Ah, j'imagine, d'après moi, il n'y a même pas... pu aller sur le terrain. Ah, je sais pas. Avec une couche, peut-être. Avec une couche. Ouais. Peut-être pas de griffes. Peut-être. Je sais pas. Voilà pour la chronique. C'est un fait que j'avais oublié de mentionner que c'était une Quickie Edition. Bien sûr. Merci, Matt. Quickie Edition. Ça fait plaisir, hein? Umlaut. On s'en va entendre Sago. Avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Sago qui était dans Carquois, qui est encore dans Carquois. Avec son album Piano Mal. Voici l'extrait-titre Piano Mal. Et moi, j'essaie juste de me rappeler. C'est... Leuvenbräu. Ouais. Leuvenbräu. Fait une belle chanson. Oui. Leuvenbräu. Comme tu respires à la paille, fakir à tête de soleil, tes pieds de cuir me réveillent, de la braise entre mes dents. Alors j'ai fait du café et je vais me recoucher. Sur tes genoux. journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. La réalité pour me continuer de rêver. Mon amour, ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. Mon amour, pardonne-moi si tu savais, pour toi j'aurais. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour, pardonne-moi si tu savais, pour toi j'aurais. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. Savais. Marie-Pierre Arthur. Hey, hein? Si elle savait, là. Si tu savais ça. Tu serais riche. Riche comme Crésus. C'est ça. Donc, François, maintenant, parlant d'être riche, peut-être que tu vas pouvoir donc te permettre toutes les solutions aux problèmes que je te cause. Espérons-le. Dans la chronique, c'est X-Men, ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est la chronique où je vous dis vos problèmes que vous avez sûrement tous déjà, et je vous les règle. Simple comme ça. OK. Pas compliqué. Commençons par le problème de la toilette, la nuit. Ouais. Des fois, tu dois te lever, tu dois aller faire une petite trompette, là. Des fois. Une petite trompette. Des fois. Oui. Ou encore, des fois, ta copine vient dans la salle de bain, et puis... pas venir dans la salle de bain. Tu comprends ça? Elle s'en vient dans la salle de bain. Ouais, je comprends très bien. Puis le couvercle est ouvert. Et là, elle s'assoit, et puis splouche-plouche, hein. À quoi? Splouche-plouche. Ah, ouais. C'est pas propre, ça. C'est pas propre. Ben non. Non, c'est un gros problème. Ici, c'est un ruban luminescent qu'on colle à l'intérieur de sa cuvette de toilette. Pendant la journée, le Johnny Glow, ça c'est le nom du produit, accumule de l'énergie en absorbant la lumière ambiante, ce qui lui permet de briller doucement dans le noir pendant toute la nuit et ainsi d'éviter des incidents malencontreux. Hein? C'est quand même bien, Johnny Glow. Ouais, mais c'est pas mon problème. Non, c'est ça. T'es vraiment... t'as de l'empathie. Pas certain qu'on puisse commander ce produit au Canada, nous dit l'article de branchezvous.com, mais par contre, si vous avez 13$ et que ça vous tente de vous essayer, commandez ça sur Internet. Le lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Voilà. Vous êtes un fan de Donjons et Dragons, prochain problème. Ouais. T'aimes ça? Tu connais ça? Ouais. T'as déjà joué à ça? Ouais. Mettons. T'as joué ça? Oui? Non. Non, c'est ça. Donc, t'es un fan de Donjons et Dragons, mais aussi t'aimes les gâteries, les bonbons, les sucettes. OK. Les sucettes, comme diraient les Français. Donc ici, c'est un suçon, ou sucette, à 20 côtés, pareil comme un dé de Donjons et Dragons, ou ce qu'on appelle un icosaédron. Un icosaédron, évidemment. Ce suçon-là, cette sucette qui vient avec saveur de cerise et qui mesure 2 pouces de large. Donc, vous pouvez faire un jeu de rôle dans votre estomac. Oui, mais... C'est sûr qu'une fois qu'il est liché, c'est plus vraiment un dé à la fin causé. Faudrait que tu l'avales tout rond pour pouvoir jouer en dedans de ton ventre, là, mais bon. Voilà. Te brasser un peu la bedaine. Prochain problème, c'est que t'aimes écouter des films, des émissions de télé, des podcasts, n'importe quoi, des balado-diffusions là, sur ton divan. Mais ouais. Tu veux pas tenir ton iPhone dans ta main. Mmh. Ou n'importe quel autre smartphone. Mmh. Donc, c'est un cell phone mount. Mount? Mount pour ton divan ou ton lit. Donc, c'est un pied avec une barre métallique en bas, avec un genre de tuyau, un peu comme une lampe, là, tu sais, que tu peux rediriger dans le sens que tu veux. Et au bout de ça, tu as une pince, et là, tu peux mettre ton iPhone ou ton appareil dessus. Et ça s'appelle le smartphone sleeper. Ça rend votre téléphone ou votre appareil intelligent super long pour pouvoir le mettre à peu près n'importe où. Ça se vend pour environ 35$ chaque. Et le gars a l'air vraiment hot avec ça. Ouais. C'est juste gros. Par contre, je trouve ça gros. OK. Comme genre la pince. Ça ressemble à une affaire, je sais pas, pour... On dirait que c'est là pour tenir un appareil photo genre super lourd. Fait qu'il faut que ça soit comme solide. Non, c'est une bonne idée quand même. 35$, c'est... Pas pire. Ça, ouais, si vous avez un portable, ça me... pratique de regarder des émissions de TV sur un portable que sur un téléphone, mais bon, il y en a qui ont juste un téléphone, faut croire. Ensuite, t'as besoin de déchiqueter des choses, François, mais t'as pas de place pour une déchiqueteuse. OK. Prends trop de place, ça. Trop de place. À la place, tu veux une minuscule déchiqueteuse USB. Évidemment. C'est la Desktop USB Paper Shredder. Desktop USB Shredder. Hein? Ah, c'est pas... une petite déchiqueteuse qui fonctionne par port USB. Tu peux y aller avec deux feuilles à la fois, mais pas plus que ça. Peut-être pour des cartes d'affaires, des trucs comme ça, un reçu, des factures comme ça. Je suis prêt à déplaisant, là. Ouais. Mais en même temps, c'est qui? C'est les filles de... Le boudoir. Le boudoir, c'est ça exactement. Lundi, 16h. Tu parlais des ciseaux pour déchiqueter. Ah ouais, ben c'est pratique, ça. Ouais. Des gros ciseaux. Ouais. Comme 10 ciseaux en même temps. Ouais, c'est ça. Ça, je trouvais ça cool. C'est une très meilleure idée. Ça se tient mieux dans un tiroir, ça. Ouais. Ensuite, François, t'aimes aller à des conventions d'animés japonais. Ouais. Tu sais, les animés japonais, là. Ça, j'adore ça, tu sais. Genre Sailor Moon. Sailor Moon est le plus quiétonne de tout, ça. Ça, super. Il y en a plein d'autres, là. Des pas mal meilleurs que ça, là. Pas mal meilleurs. Commence pas à parler contre les gens qui aiment les animés. Je les apprécie et j'espère qu'ils seront parmi nos auditeurs. Sailor Moon. Sailor Moon, par contre, c'est ça. C'était la blague. Une petite faiblesse ici. Petite faiblesse, en effet. Quand ça joue à TVA, c'est que c'est pas fort, hein. Bon. Donc, allons-y avec ça. C'est des lunettes. Mais en fait, c'est des fausses lunettes avec dessus dessinés des yeux d'animés japonais. Donc, tu peux aller à la convention avec des yeux d'animés japonais. Quand tu dessines, c'est parce que dans le fond, dans ces conventions-là, des fois, ils vont porter des perruques comme les personnages, puis ils vont se déguiser, puis tout ça, puis ils vont avoir des lunettes pour te faire avoir l'air d'avoir des gros yeux. T'as-tu déjà été dans ces conventions-là? Non, jamais, mais j'en regarde beaucoup à la télé, hein, pour vrai. Tu regardes les conventions à la télé? C'est parce qu'il y a des reportages, des entrevues, des affaires comme ça. Ouais. C'est pas juste une caméra qui est là. Non, caméra qui marche, non, mais qui est rangée. Non, mais pourquoi tu y vas pas? Hein? Bonne question, je sais pas, parce que celle que je vois comme Comic Con, ouais, je sais bien, mais des fois ils ont l'air loin. Mais à Montréal, j'avoue qu'il y en a des quand même bonnes, des conventions de jeux vidéo. Ah ouais, c'est béton, là. Ben, en tout cas, ça a l'air, là, je sais pas. Faudrait bien à un moment donné, en effet. Je sais pas, juste rencontrer du monde un peu spécial comme toi. C'est ça, arrête, parce que là, demander de faire la chronique CNX avec toi, c'est pas toujours facile, comprends rien. Comprends rien, écoute, chiptune pas mon fort. Chiptune pas mon fort. Donc, ça coûte 4$ ces lunettes-là. Chiptune pas mon fort, man. Ensuite, Jack in the Box, les restaurants aux États-Unis, Jack in the Box, sont maintenant des milkshakes, des laits frappés au bacon. Yes! On a gagné. Non. Wow. C'est beau. Des milkshakes au bacon. Est-ce comme un genre de sirop de bacon? Ouais, mais moi, j'aime bien, tu sais, les bananes. J'aime ça un peu fruité. Oui, je comprends. Je sais que le bacon, c'est peut-être un fruit pour toi, Mathieu. Ça, c'est dans les groupes alimentaires, en tout cas. Mais ouais. Mais c'est un petit sirop de bacon. Et tu peux même, dans les Jack in the Box, leur demander, peux-tu me donner juste un petit cop de sirop au bacon? Puis là, tu peux tremper tes frites dans le sirop de bacon. C'est génial. Tu peux tremper tes frites dans le sirop de bacon. Et voilà. Wow! Pas pire. Hey, mais c'est vraiment une mode. Hein. Le bacon, mais je sais pas ce qui se passe avec ça, le stand-ci, mais le crime. Tant mieux. Partout. Partout. Oh, des lubrifiants au bacon. Des lubrifiants au bacon. Pour vrai. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, ça gâche tout. Oh, non, en fait, ça améliore tout, François. C'est-tu dit, Mathieu? Je l'ai dit. OK, prochain objet, il nous en reste que quelques-uns. Une tasse. Hein? Comme ça. Une tasse de café. Ben, c'est une tasse, pas de café, mais à café. Ouais. Et quand tu mets ton liquide dedans, ça a l'air d'être une tasse normale avec du café dedans, mais plus tu bois, plus ça révèle un animal. Un animal. Un animal. Pourquoi j'ai dit ça? Un animal. Non, un animal, donc, à l'intérieur de ta tasse, différent dans chaque tasse, et qui est pris dans la tasse. Donc, en fond, c'est comme, c'est quoi, une tasse normalement faite en porcelaine, je sais pas quoi. En tout cas, mais je comprends pas, je comprends vraiment pas qui est plié. L'aliment est sculpté. L'aliment est sculpté dans la tasse, donc au milieu. Un peu comme un moule à gâteau qui aurait un milieu en, en surélevé. Là, ouais. Puis le gâteau va autour. Ben, c'est la même chose. Le café va autour de l'aliment qui est pris, qui est dans la tasse. La tasse est faite avec une forme d'animal dedans. Ouais, je comprends. Voilà, c'est mais là, je vais où, là? Parce qu'Assemblage Requis marche pas. Tu vas sur la page Facebook d'Assemblage Requis, excellent point, et tu cliques sur le lien qui est en haut de la page. Les notes d'aujourd'hui sont là, là, là, là, là. Puis là, ben, tu cliques, c'est marqué Teacups Reveal Animals as You Drink, là, là, là. Puis c'est ça, ben, le lien sur les tasses de café. OK, deux derniers rapides, le temps passe très, très vite. Cryoscope qui vous permet de ressentir la température de demain. Donc, les prédictions météo, on sait que ça fonctionne vraiment pas très, très bien. On dit qu'il va mouiller, puis il va faire soleil, ou ils disent il va y avoir de la neige la semaine prochaine, ça va être dans deux semaines. Non, c'est jamais vraiment fiable. Donc ici c'est un gadget qui est comme un cube. Ben en fait c'est un cube hein, d'aluminium. C'est comme un cube là. C'est... Ouais, écoute, ça y ressemble pas mal. Ça ressemble à un cube pas mal. On dirait même qu'il y a une lumière en dessous. Oui, ben c'est exactement ça. Il y a dans ce cube là un heatsink, une affaire pour empêcher, pour dans le fond pour faire de la chaleur. T'as un ventilateur et t'as un élément, ce qu'on appelle un élément pelletier. Élément pelletier, j'imagine pelletier pour... C'est pour refroidir ça, pour refroidir, exactement. Donc, il y a une pompe thermoélectrique là-dedans et ce cube-là va aller Internet. Ouais, c'est le combinant stupide. Mais via Internet, va aller chercher la température de demain basée sur ton code postal, ton zip code américain. Ben et l'appareil va automatiquement s'ajuster sa température à l'intérieur, extérieur, pardon, de 0 Fahrenheit, qui est très froid, à 100 degrés Fahrenheit, qui est la chaleur comme dans les tropiques. Donc, voilà, tu touches à ça, puis tu te brûles. Ah, ben, il va faire chaud. Oh, c'est froid. Ah, ben, il va faire froid. Youp, chaud. Oup, froid. Oh, t'es chaud. Oh, t'es froid. Brûlant, brûlant, brûlant. Ouais. Brûlant, brûlant, brûlant. Ouais, c'est une idée. Moi, ça, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et mon préféré cette semaine, et je finis tout le temps par mes préférés, et puis je tombe tout le temps sur des gadgets par rapport au fil, parce que c'est ma passion, on dirait, d'essayer de régler mes problèmes de fil. Mais ça, c'est une idée vraiment géniale. C'est le Recoil Winder, qui est une petite boîte à l'intérieur de laquelle il y a un crochet, OK? Un crochet et un système de spring, de ressort, OK? Donc, tu prends ton fil, mettons, d'écouteur, OK? Suis-moi. Tu prends ton fil d'écouteur, tu le plies en deux. OK, okay ouais, tu le plies juste en deux. Le plier en deux. Tu prends la boucle que ça fait au milieu. La crochet après crochet. Tu tires. Ça rentre dedans. Ça roule. D'un coup sec. Va voir la vidéo, c'est très impressionnant. Le gars le fait sur genre 10 à... Mais ça t'attache à le temps que ça. Mais je trouve ça cool de pouvoir transporter tes fils sans avoir à faire une boucle après, puis avec un petit velcro. Moi, j'ai des petits velcro pour. Parce que sinon, t'as comme 5 sortes de fils dans ton sac à dos ou, tu sais, mettons, à transporter, comme les écouteurs, le fil de ton. T'es à transporter quand même. Oui, t'es transportes, mais c'est plus simple à ranger. Tu sais, puis c'est qu'en même temps, si les deux côtés du fil sortent sur le bord, puis tu veux le brancher dans ton ordinateur, t'as même pas besoin de le sortir du recoil. Tu le branches dans ton appareil, tu le branches dans l'ordi. Si c'est des écouteurs là, comme ça, là, t'as pas le choix de les enlever. C'est ça. Là. Tout à fait. Sinon, t'as mieux de les écouter. Sinon, ça va aller mal. C'est ça. Il y a trois grandeurs, trois grosseurs. Ça commence à 8$. C'est un projet Kickstarter. Donc, il a réussi. Il a mis ce projet sur Kickstarter qui, on rappelle, est un site où tu proposes un produit. Les gens misent de l'argent jusqu'à temps qu'on atteigne le but. Et si le but est atteint, la production va se faire. Si c'est pas atteint, t'as pas à payer. Mais bref, il a réussi à faire 5 fois l'argent qu'il était supposé faire. Ah ouais? Tellement que c'est un produit populaire. Quoi? Ça veut-tu dire qu'il garde l'argent? Ça va être plus d'argent pour la production, je crois. Donc, ça va pouvoir en produire plus. Mais c'est ça, seulement si t'as pledge, comment on dit ça, genre promis que t'allais donner de l'argent, est-ce que tu vas pouvoir avoir ton produit pour le prix qui était genre à rabais, tu sais? J'imagine. Si t'as donné de l'argent pour le coup de charter de part. Non, mais c'est ça. C'est un rabais sur le produit une fois que tu l'achètes. Bref, voilà pour le Recoil Starter. Allez voir la vidéo. Moi, ça m'impressionne de juste pouvoir transporter des sacs avec des fils avec un petit gadget que tu pitches dans ton sac. Là. Oui! Mais c'est quand même cher. 8, 9 ou 10 $, tout dépendant de la grosseur. Ouais, mais c'est sûr. Juste pour transporter ton fil. Ouais, plus ça va se vendre, plus ça va descendre en prix. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Nous, on se dépêche comme ça. C'est la fin de la collecte Sex Mais ça devrait pas. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi. Et on termine l'heure ici même. Pour le temps d'accueillir Simon Fitzbay, sa chronique Phénomène dans quelques minutes. Oui. Il parle de formats de musique qui ne sont pas des formats communs ou très, très, très, très populaires comme le CD, le vinyle, le MP3, les trucs comme ça. Formidable. Et à 8h30, on reçoit François Landry et on parle politique. Oui, la CAQ encore. C'est qu'ils ont fait encore. Allez, on va savoir ça à 8h. Comment on appelle ça le cri d'un caquiste? Le cacatement. Le cacatement. Cacatement. Oh boy. Oh boy. Boy. assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 9 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, Simon Fitzbain, on l'a dit, s'en vient avec sa chronique Phénomène. Il s'en vient deux l'instant à l'autre. Oui, François Landry vient d'arriver. Tout à l'heure, il va faire sa chronique Logocratie 101, n'est-ce pas? Hey. Oui, toujours. Ben oui, c'est quoi aujourd'hui le nom déjà? La CAQ, la confrontation caquiste. Oh, hein? Ouais. Confrontation caquiste. Ouais, parce qu'on se dirige vers des élections et la guerre est déjà pognée. Calais. Dans le parti? Non. T'as pas la guerre envers les syndicats, okay. Surtout. Okay. Ah, ben. Pour l'instant, on écoute Manteau de froid, les Breastfeeders. Ah, ça me l'a vrai qu'il dit. La peur, la mort et la menace. Always the Islands à Assemblage Requis. On prend une dernière petite pièce, puis on revient après avec Simon Fitzbay, sa chronique phénomène. Est-ce qu'on s'en va entendre une autre pièce du palmarès anglophone? C'est une autre nouvelle, hein? Parce on en a vu une courte. Une courte? Une courte. Une courte. La plus courte des pièces. La plus courte des nouvelles entrées des palmarès, mettons comme ça. Ouais, c'est un beau défi ce matin. J'avoue que c'est un excellent défi. Je dirais que... ça doit être un peu long, là, mais bon. Attention, on va en prendre une autre. Non, ça, une courte. Quelle pièce est courte? Je sais pas. Bonne question. Ça peut. Écoute, mettons celle-là. Celle-là va être bien courte. Ouais. Bien courte. C'est parti. C'est quoi? C'est Las Campesinos. Voici Songs About Your Girlfriend. À son âge requis. Ouh. Ça a l'air bon, hein? Mmh. Oui. Non, OK, j'arrête de faire des sons comme ça. C'est correct. Tu m'as presque excité. Confidence au micro ce matin. Mais j'aime ça, t'sais. Cause your girlfriend likely does, and all your friends agree on her soft spot for me. I have my hot hands over her soft spot, soon you will see. And if you want a list of all her favorite bits, then next time I am free, quite comprehensively, I will scroll them all down for you as an apology. Tell her the times we shared, the book has been repaired, seemed as if our old jokes of once again being stoked, but with a different girl, funnier now they've been rehearsed. All night I heard your every word, so we were interrupted by the birds singing, oh, your mask is slipping, oh, your mask is slipping. Songs I've written about your girlfriend are just songs of spices you came to earn, and cause I never made a smile like that. Las Campesinos, c'est la pièce Song About Your Girlfriend. En fait, c'est Songs. Je sais pas, ça devait être plusieurs chansons. Il y en a plusieurs. En... Ouais, bizarre un peu. Maintenant, Assemblage Requis, voici la chronique Phénomène avec Simon Fitzbay. Bonjour Simon! Bonjour messieurs! Bon matin, comment ça va? Ça va bien, et vous? ça va bien? C'est ça, je suis là, c'est ça. Je vais. Donc Simon, aujourd'hui qui nous parle des autres formes de médias, on a déjà attaqué là, plusieurs choses jusqu'à maintenant. On a pas mal fait le tour en fait avec la cassette compacte, le CD, le MP3 et le vinyle dans les formats de diffusion musicale, ces médiums utilisés par l'industrie afin de nous rendre la musique. Mais Il y a eu également d'autres styles. En fait, afin d'arriver à ces résultats, afin d'arriver à ces médias musicaux-là, il a fallu inventer, que les inventeurs plutôt s'intéressent à d'autres moyens de distribution qui furent malheureusement oubliés ou mis de côté au profit d'une invention beaucoup plus pratique ou populaire. Cette semaine, donc, nous nous intéresserons à ce format de distribution musicale qui ont malheureusement disparu à cause de désuétude ou pour leurs aspects non pratiques également. Il ne faut pas oublier ça. Et on va commencer avec une invention qui peut facilement être oubliée, c'est la boîte à musique. Il s'agit de sans doute d'un des plus vieux modèles de diffusion de musique, c'est-à-dire autre que la voix ou l'instrument. Il s'agissait d'un rouleau orné de picots monté sur un ressort qui tourne devant un clavier métallique. Le rouleau tourne et frappe le clavier afin de créer une mélodie. Les picots sont répartis sur le rouleau pour créer justement cette dite mélodie-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une cinquantaine de petits pics qui servent de clavier. Et plusieurs petits picots qui vont aller frapper ces différents pics. On compte bien sûr les boîtes à musique en tant que telles qui ont comme seule fonction de faire jouer de la musique, mais aussi les boîtes à bijoux qui étaient équipées de rouleaux musicaux pour faire joli, clairement, bon, pour le luxe, hein, pour montrer qu'on était big shot, surtout oui. À cette époque-là, vers le milieu du 17e siècle, pour montrer donc... qu'on était big shot, et non pas 17e, mais 18e siècle. Il y a eu également le disque métallique qui fonctionnait à peu près avec le même principe. On mettait le clavier plutôt au-dessus du disque orné de picots. Donc, à la place, ça soit un rouleau, c'était un disque. OK. Non pas interchangeable et rien, c'était vraiment quelque chose d'unique également. On pouvait pas changer. En fait, j'imagine qu'il y a eu des modèles où on pouvait changer les rouleaux, mais principalement... Tu branchais en USB, puis tu transférais le firmware. Puis... Ah ouais, ça serait pas pire, ça. Il faudrait penser à ça avec genre de mémoire intelligente pour un rouleau. Là, ça serait quand même pas pire. Un peu dans le même genre, le piano mécanique a également servi de genre de diffusion de son, bien sûr, d'une bien meilleure qualité, bien sûr, et un concept beaucoup plus compliqué que la boîte à musique. Un piano mécanique, c'est un piano dans lequel on a installé un système mécanique à pompe ou électrique auquel on a relié un système de rouleaux de papier perforé lu par des aiguilles de métal reliées à un mécanisme des touches de piano. Donc, c'est vraiment, là, on va aller frapper les touches mais de l'intérieur à la place que ce soit à l'extérieur. Ça donne l'impression que le piano est joué par un homme invisible. Ces pianos-là sont clichés, bien sûr, dans les westerns, mais ont également servi à répandre de nouvelles compositions musicales un peu partout à travers le monde, qu'il s'agisse de grandes compositions classiques ou simples pianos déclenchés à coups de Colt 45. Ils ont fait leur apparition au milieu du 19e siècle et ont tranquillement disparu avec l'arrivée du disque au 20e siècle. Pas tellement longtemps. Mais vous vous rappelez au temps du guignol, de la dentelle? On se saoulait le dedans de pathétique. Oh, c'était la belle époque du piano nostalgique. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire. Mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié, vous n'êtes plus de notre temps. Restez dans vos musées, ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui, pour quelques sous, vous tirent deux disques coup sur coup. Bah, pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont tus, paralysés, qui ne sont plus qu'objets d'antiquité, qui autrefois faisaient la joie des salons, et ils étaient les grands rois de la chanson. Mais malgré tout, on se souvient de vous, et c'est avec regret que l'on vous sait muet. Mais ce soir, moi je vous aime, et je veux que l'on vous chante, vous que la vie retranche, de même vos frères les poèmes. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui pour quelques sous vous tirent deux disques coup sur coup. Bah pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout fusées qui se sont tues paralysées et qui ne sont plus qu'objets d'antiquité. Qui autrefois faisaient la joie des salons et ils étaient les grands rois de la chanson. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire, mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié. Bah pourtant, il n'y a pas tellement longtemps. Non, mais vous vous rappelez au temps du guignol, de la dentelle? Oh là là, on se saoulait le dedans pathétique. Ah, c'était la belle époque. La belle époque. Du piano nostalgique. Et c'était Claude Léveillé avec les vieux pianos, justement, qui fait référence au piano mécanique dans cette merveilleuse chanson. Claude Léveillé, c'est tout le temps un auteur, compositeur, interprète qui me touche beaucoup. J'ai d'ailleurs vu ses mains dans le bronze lorsque je suis allé à sa veille funèbre, son genre d'exposition à Place des Arts. C'est très solennel, très très bon musicien que j'adore, que malheureusement j'aurais aimé entendre plus longtemps, mais qui est disparu malheureusement. Ouais. Et donc, bien sûr, c'est dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Requis, où on vous présente ces styles de diffusion de musique désuets, ces inventions qui, malheureusement, n'ont pas passé l'épreuve du temps à cause, justement, parce que parfois, il était trop compliqué, trop complexe, trop lourd, comme le piano mécanique. Imaginez un piano accompagné d'un système mécanique en métal en plus. Ajouté en plus. Et bien souvent, c'est des pianos un peu plus cheap. Donc, il y avait bien souvent aussi un frame, comme on dit en bon français, en fonte, en dessous du bois. C'est quelque chose de pas levable. Donc, c'est pourquoi aussi c'est devenu non pratique d'avoir les pianos mécaniques, surtout lorsque les disques ont apparu. Et d'ailleurs, cette invention, qui est la prochaine que nous allons discuter, le cylindre phonographique, qui a été un moyen de diffusion extrêmement important et populaire à la fin du 19e siècle, qui est entré en compétition avec les premiers disques de cire inventés peu après cette invention, c'est-à-dire de Thomas Edison, en fait. Il s'agissait d'un tube de métal enduit d'une couche de cire sur laquelle on gravait du son, un peu dans le même principe que le disque qu'on connaît aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'on gravait on gravait la cire pour qu'on aille donc une résonance au niveau de l'aiguille qui était transportée vers un gros cornet qui diffusait le son. Il n'y avait pas d'haut-parleur à l'époque. C'est Thomas Edison donc qui a inventé ce concept, qui s'est empressé donc d'en conduire en masse pour que ça soit assez populaire. En fait, il y a eu assez de production pour que les gens donc puissent s'en acheter et que ça soit offert au grand public. Rapidement, tout le monde voulait se procurer le dernier tube. Et d'ailleurs, si vous vous demandez, oui, c'est à l'origine du tube à la radio. Ah, c'est cool, ça. Parce qu'on retrouvait à peu près seulement une pièce sur le tube, c'était pas très très long, là. C'est-à-dire que c'était pas la longueur d'un disque normal. Bien sûr, le disque a rapidement repris le dessus, bien sûr pour sa longueur de jeu, on pouvait trouver un peu plus d'une pièce sur un 78 tours à l'époque, et c'était plus facile à ranger également qu'un tube, même s'il était petit, c'était quand même plus large que long. Enfin, bref. C'est plus important large que long, de toute façon. Ouais, ouais, assez. C'est quoi sur un tube? Oui, hey, oui, c'est vrai, effectivement. On n'avait pas de yogourt, par exemple, dans ceux-là. Mais ça a été bon d'avoir ça en prime dans le tube. Différentes saveurs. Ouais. Hey, avez-vous entendu le dernier tube au raisin sur les hit-parades? Du côté du disque vinyle aussi, il faut noter l'existence d'un format autre que le 78, 33 et 45 tours qui ont coexisté avec eux pendant ce temps-là. Les 16 tours, en fait, qui était un format tournant beaucoup plus lentement, qui était plutôt réservé à l'enregistrement vocaux seulement, donc la voix parlée, par exemple. Okay. Par contre, le disque 16 tours n'a pas connu une popularité très très importante puisqu'il nécessitait un équipement différent des autres, bien sûr. Et le fait de le faire tourner moins vite, ben, ça faisait moins de craquements dans la voix et moins de poussière qui se ramassait également dans les rayons et qui était lu par l'aiguille. Il y a eu aussi, dans les années 1960, et les plus jeunes s'en souviendront peut-être, les cassettes 4 pistes et 8 pistes qui ont connu une certaine popularité dans les années 1960 et 1970, avant d'être englouties, bien sûr, par la cassette compacte. Une des raisons les plus évidentes de la chute de ce format, mieux connu sous le nom de 4 ou 8 tracks, 8 tracks, peu importe, réside dans sa conception plutôt et son fonctionnement. Ces grosses cassettes d'environ 6 pouces de long par 3 pouces de large et 1 pouce d'épais étaient constituées d'une bande magnétique multipiste en boucle infinie entourée autour d'une unique bobine. Donc, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir deux bobines comme une cassette qui, à un moment donné, arrivait au bout de ça, ça tournait sans cesse dans une bobine infinie, c'est-à-dire qu'il était dans une genre de encastré en fait dans une boîte de plastique. C'est ce qu'on simule avec le mode repeat, là, c'est scellé dans le char. Ouais, exactement. Repeat. C'était bien passé pour le temps. C'était très bien passé pour le temps, effectivement. Mais en fait, c'est qu'on sélectionnait la piste en plus qu'on voulait enclencher. Donc, c'était pas nécessaire. Alors, il fallait bien sûr que la piste soit au début, mais on avait le choix entre 4 ou 8 pistes, tout dépendant de ce qu'on retrouvait sur la bande de l'époque. Donc, on avait accès à nos pièces plus rapidement, en fait, que sur une cassette compacte. Donc, c'était mieux que la cassette qui est venue après. T'sais. Oui, mais malheureusement, sa grosseur a contribué à sa perte, puisque la cassette compacte, qui était grosse comme un petit paquet de cigarettes là, qu'on pouvait mettre dans sa poche, franchement, ben, j'ai des référents de l'époque, le monde fumait dans ce temps-là. OK, je pense que t'allais parler d'une marque précise de cigarettes. Non, mais ça a remplacé rapidement le 8-track et le tape deck, bien sûr, qu'on avait dans les voitures et à la maison, et c'était des radios beaucoup plus grosses, à la fois dans les voitures et ce qu'on avait aussi à la maison. Et je pense aussi la longueur, la durée. Ouais, je pense que la cassette, en fait, compacte a une pas mal meilleure durée que le 8-track et le 4-track. Ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé tant d'informations que ça là-dessus, parce qu'on dirait que c'est désuet, donc les gens... Faudrait être dans les marchés aux puces. Oui, c'est ça. Ah oui, les marchés aux puces. Il y a plein de cassettes. Mon père avait une boîte de ça à la maison, mais j'en ai jamais fait jouer parce que son tape deck fonctionnait pas, justement, malheureusement. Et donc, il faut... puisqu'il est surtout, en fait, associé aux années 60 et 1970, on peut souligner que le 8-track est nécessairement associé au rock gras et sale de cette période. Alors, pour terminer, embarquons dans notre vieux Duster 77 et écoutons à tue-tête la musique qui a fait la renommée de ce format. Steppenwolf avec Born to be Wild qui prouve qu'on peut vraiment faire des mix spéciales assez fous lorsqu'on a joué du Claude Léveillé tout juste auparavant. Quand même. Ouais. Ça ressemble un peu aux soirées karaoké aussi. Là. Il y a tout un gars qui chante Born to be Wild. Oui. On salue. Salut. Bonjour. Ouais. C'est quoi son nom? Je l'ignore. Ça fait au moins 4 ans que je ne suis pas allé aux soirées karaoké, donc je suis plus dans le coup. Tu fais bien. Bon. Donc, Simon Fidibé, merci beaucoup. Merci. Oui, merci. T'as collé sur les différents formats musicaux un petit peu plus obscurs ou en tout cas plus vieux et donc on se rappelle moins. Ça me fait plaisir. Voilà. Alors, on te retrouve à ton émission Catalepsie les lundis soirs à partir de 20h. Mm-hmm. Ton émission musicale thématique. Oui. Ça repasse aussi les mercredis à 13h. Et d'ailleurs, on va aborder le thème de l'amour ce lundi. C'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin qui approche. Pas le choix. Tu as mangé des petits cœurs. Toute la soirée. Ah oui, des petits cœurs en cannelle. Je veux dire en cannelle, oui. Il y a un thé à ça, on a goûté à ça. Moi, en tout cas, j'ai goûté à ça lundi avec Xavier. C'était bon. Thé à la cannelle. Ta prochaine émission, celle de demain, album classique, les vendredis matins à 10h. Mm-hmm. Et ça repasse ça. Ça repasse quand? Ça bouge tout le temps, ces affaires-là. Hein? Oui, je pense que ça joue les mardis à 17h. Et samedi à 19h. Oui, effectivement. De quoi tu parles à la prochaine émission? C'est une très bonne question. En fait, j'ai pas vraiment décidé quel album qui allait être passé cette semaine. Parfait. Album classique. Voilà. Et évidemment, dans ta chronique, les éphémérides du rock avec Alain Lefebvre au début du rock classique, c'est les vendredis à partir de 11h. Effectivement. Et tu restes avec nous pour la chronique de François. Bien sûr. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. C'est ça. On prend une petite pause, puis on revient. On parle de caquiste tantôt. Oh. La confrontation caquiste. Mmh. J'ai bien hâte de voir ça. Le gros duel, sortez les sabres lumineux, c'est ça? Et épée lumineuse, je pense. En français, épée lumineuse. Oh, come on. Ouais, je sais. C'est fou. Pour l'écouter. 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Nous revoilà avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Il nous reste encore 25 minutes à l'émission. Et c'est parfaitement le moment d'accueillir François Landry. C'est parfaitement le moment. C'est bon. C'est un moment parfait. Ben c'est ça, à chaque semaine. Avec François Landry. Oui, un parfait François Landry dans un moment. Toi qui as insinué des choses à mon sujet tantôt, là, qu'est-ce que tu me disais tantôt? Que tu m'excitais. Ouais, c'est ça. T'avais une voix c'est sur, encore le cas ou... Non, là, ça non, va. Là, ça a passé. Non, là, c'est calmé, c'est normal. Avec le temps, c'est ce que j'entends. Bon, la routine s'est installée. Ouais. C'est le mariage. Écoute, c'est le mariage. On n'aurait pas dû se marier. C'est l'habitude. Ah, ça va faire. C'est le goût classique. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et solennel, royal, royal. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Plante. Ça va? Oui, toi? Oui, ah. Bonjour. Excusez, j'ai un jeu de mots à faire. Vas-y, c'est bon. C'est pas Logo Crécy ce matin, c'est Lego Crécy. Voilà. Bravo. Tu fais pas ton dégueudang, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dégueudang? Elle est effrayante. Elle est effrayante. Elle est effrayante. Excusez-la. Donc, le logo-crassie, c'est très, très bon. Moi, ce matin. Ce matin, on parle de la CAQ. Hein? De logo et de la CAQ, oui. Confrontation caquiste. Parce que je vous avais promis la semaine dernière de faire qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine session parlementaire. Mais aurons-nous une session parlementaire? Oh! Oh, ah ouais? C'est pour ça que dis, je ferai pas des prédictions. Je vais plutôt parler de ce qui s'en vient à très court terme. Là. Et puis, tous les partis politiques cette semaine ont sonné le glas. C'est le déclenchement d'élection est imminent. Oh ça, oui, rumeur le 26 mars d'élection. C'est pour le 26 mars, demain matin là que parce que le Québec solidaire hier a dévoilé son plan de match pour les élections, justice sociale, éducation et système de santé. Le Parti québécois hier en après-midi a aussi fait une conférence justement sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Eux, ils veulent leur gros champ de bataille, là, c'est abolir le 200$ de taxes de la santé que les libéraux ont instauré et aussi c'est faire payer les riches. Enfin, douce. Pauline Marois veut faire payer son mari. J'avais pas pensé à celle-là. Elle veut s'auto-taxer, c'est bien ça. Oui, donc, plutôt que de charger aux gens moins fortunés le 200$ de taxes pour la santé... Essayer de rétablir... Augmenter les impôts des plus riches. Mais au Québec, il n'y a pas tant de riches que ça, donc ça va être un débat de comptables et non pas un débat idéologique qui va se faire sur la place publique. Le Parti libéral a mobilisé ses troupes, a demandé à chaque circonscription de se trouver un candidat ou une candidate pour la prochaine élection. C'est déjà fait. Le courriel, okay. Je l'ai reçu. Pour moi, ils se sont perdus dans la malle. Je ne suis pas membre du Parti libéral. J'ai reçu un courriel pour dire « Oh, oui. » Pour t'offrir de... Non, t'es-tu malade, toi? Eux autres même ne voudraient pas. Ça serait le fun, par contre. Me fais-les, puis... Je vire capot. Vire capot, hein, c'est ça, exact. Le premier démocratique au Québec. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc, ces trois partis-là sont déjà en mode attaque. Et François Legault était en furie lundi soir. C'est lui qui a lancé le bal de la semaine. Il avait un rassemblement... Pas populaire, mais un rassemblement de partisans. Ben non, mais... C'était vraiment pas populaire. Il était juste 300 dans la salle, il pouvait en compter 1000. Bon, okay. On s'entend. Quand routière, même pas. Bon. Fait que, il était devant ses partisans à Québec, donc le bastion adéquiste est à Québec et dans la Beauce. Et vu que l'ADQ et la CAQ ont fusionné, c'est maintenant le bastion caquiste par défaut. Donc c'est là qu'on a vu un François Legault comme on l'a jamais vu. Donc, chemise ouverte, avec le Shaggy qui pouvait peut-être sortir s'il était pollu. Pas de cravate, pas l'air de... Décontracté. Décontracté, oui, pas de pupitre. Un peu comme, je l'ai comparé à Mitt Romney. Simon, tu pourrais me dire, ben, il avait la même fougue que lui, puis Mitt Romney, souvent, il se promène en jeans, chemise. Ouais. François Legault ressemblait étrangement à Mitt Romney, qui est le prochain candidat républicain aux États-Unis. Mitt Romney, justement, qui, la semaine dernière, d'ailleurs, était comme ça, avec le Shaggy un peu sorti. Oh, il chantait une chanson avec des personnages. C'est bon, ça. Ah oui. Ouais. C'était quoi, l'hymne national américain, je pense que C'était genre une chanson patriotique du temps de la Révolution. Le premier hymne national américain, c'est vrai. Oui, exactement. Le premier hymne national a été changé par la suite. Et là, il avait dit, d'ailleurs, il chantait, il avait dit aux gens, ah, il y a un autre couplet, mais je vous le chanterai pas. Mais oui, c'est mais il en a chanté juste parce qu'il s'en rappelle pas. Oui, oui, il en a chanté une coupe, mais... C'était beau. Mais bon, François Legault peut-être chantera-t-il un jour. Je souhaite que non pour nos chastes oreilles. Mais François Legault est en furie et il a déclaré la guerre aux syndicats. Et ça, c'est un gros pari qu'il prend parce que qui sont nombreux là. Écoute, sont nombreux et on s'entend qu'au Québec, les syndicats, les grosses centrales syndicales, FTQ, CSN et CEQ et les CSD et compagnie, sont un poids majeur en politique. C'est ça, c'est puissant là. C'est puissant. Écoute, mais ils veulent savoir. Oui, mais c'est peut-être idéologique aussi. Parce qu'on se souvient que Jean Charest, en 2003, avec sa réingénierie de l'État, il voulait modifier les conventions, il voulait modifier la structure du Québec, et il a dû reculer avec les grosses manifs syndicales, le lobbying qu'il avait eu. Écoute, il a reculé. En 2007-2008, Mario Dumont avait fait la même chose. Il a dû reculer aussi. Et là, François Legault, qui a déjà été ministre péquiste, faut s'en rappeler, avait voulu faire des modifications en santé et en éducation parce qu'il avait déjà occupé ces deux fonctions-là. Et les syndicats l'avaient obligé à reculer. Et là, il y a une crotte sur le cœur. Il veut recommencer, continuer la bataille qu'il s'était promis de faire. Donc, il veut, s'il devient majoritaire aux prochaines élections, donc au printemps, ce qu'on suppose, s'il devient majoritaire dans les 100 jours qui suivent, donc au courant de l'été, il va non seulement réouvrir toutes les conventions collectives, mais il va les réécrire. Et là, ça a jappé, ça a monté dans les draps hier, monté aux barricades des centrales syndicales. Pourquoi veut-il faire ça? On sait, François Legault, il y a 5 promesses qu'il avait faites durant l'été là, dans sa tournée québécoise. Il dit « Je veux surtout l'éducation et la santé. » En éducation, on veut améliorer les tâches des professeurs, donc augmenter le nombre de responsabilités des professeurs, les évaluer, mais en contrepartie, on va les rémunérer davantage. Ah, OK, phew. Ouais. Non? Ouais, ben phew, ouais. Ben, moi, mais de pas grand-chose, moi, je suis pour qu'ils soient rémunérés davantage, les profs. Parce que pas d'augmenter les tâches. La responsabilité, c'est pas nécessairement le professeur, mais plutôt les pédagogues autour qui devraient... Tu sais, les psychologues, les pédopsychiatres, les travailleurs sociaux, c'est eux autres qu'on devrait augmenter. C'est pas le nombre de... les responsabilités des profs en tant que tels. Ouais. Maintenant, le prof ne fait pas de l'éducation, il fait plus l'instruction, il fait de l'éducation. Quand c'est rendu que dans une de tes matières en première année, c'est apprendre à lancer ses souliers. Ah ça, ouais. Je m'excuse, mais il y a un problème... un problème au Québec. Là. C'est aux parents à enseigner ça au pire à la petite voisine. Ouais. À la limite. Donc, il veut faire ça. Donc, réouvrir toutes les conventions collectives de tous les syndicats. Tous les professeurs au Québec sont syndiqués de par la loi sur les, l'école blanche et tout ça. Donc, ils relèvent d'une centrale syndicale. Et aussi pour les médecins, il veut doter chaque Québécois d'un médecin de famille. Donc, augmenter le nombre de patients de chaque médecin qui existe présentement. Donc, présentement, la moyenne, c'est un médecin pour de 300 à 600 personnes. Là, il veut augmenter un médecin pour 1000 personnes. Ça, ça veut pas dire plus de médecins. Non, ça veut juste dire plus de personnes par médecin. Non, c'est ça. Mais en contrepartie, on augmente leur salaire. Oui, mais... T'as plus d'attente aussi. Tu sais, t'as plus de tout. Ben, au lieu de passer une heure avec ton médecin, tu vas passer 45 minutes. Ouais, non, c'est ça. T'sais, le petit 15 minutes, des fois, il fait du bien juste pour se faire assurer, avoir un détail, une question. Ouais. C'est pas encore fait, mais bon. Fait que là, en réouvrant les conventions collectives, il vient mettre un terme au contrat que la société a envers ses syndiqués. C'est tout comme si toi, François, qui est directeur ici, Mathieu, qui est syndiqué avec les autres employés, il y a un contrat avec ses fous, donc un contrat de 3 ans qui dit, bon, chaque année, tu as un salaire indexé à 2% selon le coût de la vie. Ensuite, ta charge de travail, c'est d'animer 5 émissions par semaine, blablabla. Mais là, toi, François, tu dis, non. Mathieu, en plus, tu vas faire les pubs, tu vas aller chez d'autres magasins, faire l'auto-promo. Tu vas me masser les pieds. Oui, si c'est dans un contrat, oui. Ben, si les deux ont signé, évidemment. Mais là, Mathieu, il dit, wow, j'ai déjà un contrat qui va prendre terme en 2015. Donc, juste dans 3 ans. Puis toi, tu dis, non, on va le réécrire là. Selon la loi, les deux doivent être consentants. Mais s'il passe une loi spéciale, t'es pas obligé d'être consentant. Non, c'est sûr. Et t'es obligé de signer ce que lui va te proposer. Donc, elle est où la négociation là-dedans? C'est ça. Ça va devenir dommageable. Et là, mais il se tire dans le pied en faisant ça, lui. Très il sera pas, non, mais il sera pas élu. Ouais, mais c'est pour ça que tantôt, je disais que c'est peut-être stratégique. Pourquoi? Parce que les syndicats en ont gros contre Jean Charest à cause des enveloppes brunes puis de la commission d'enquête qu'ils veulent, que Charest a mis en place. Donc, les syndicats sont pas contents de Jean Charest. Donc, c'est certain qu'ils ne se rangeront pas derrière eux. Traditionnellement parlant, les syndicats sont pour le Parti québécois ou favorables au Parti québécois. Mais le Parti québécois n'a aucune chance de remporter les prochaines élections selon les analyses des syndiqués. Ouais, je comprends. Et aussi... Pauline Marois et la FTQ, c'est pas... C'est l'eau et le feu. C'est pas chaud comme dans le temps. Et là, il reste Québec solidaire, qu'on sentait qu'ils feront pas le prochain gouvernement majoritaire. Il reste donc la CAQ. Le François Legault a gagé là-dessus. Il dit les syndicats vont se tenir tranquilles parce qu'ils n'ont aucun parti à appuyer. S'ils appuient le Parti québécois, on sait bien, ça va être toujours la ligne directrice, le PQ puis les syndicats, c'est la même gamique. Les libéraux... C'est certain que la FTQ, surtout, n'ira pas. Ouais, mais d'après moi, les syndicats seraient plus enclins à endosser peut-être les libéraux, tandis que François Legault et la CAQ avec des positions si... Ça me surprendrait. Parce qu'il y a beaucoup d'argent et de contrats qui peuvent se perdre par la commission d'enquête. Donc, ça me surprendrait énormément. Déjà, les libéraux, la FTQ, habituellement, c'est pas... Pas des grands amis. Non, ils s'appellent pas à part que pour négocier des conventions. Ouais. Encore toi, c'est ça. Alter. On s'en vient. C'est ça. Oh. Donc, tout ça pour dire que pourquoi Legault fait ça là, au moment même où il y avait une chute dans les sondages aussi. Je t'avais déjà parlé. Wow, on passe de 42% à 37% et puis ça dégringole encore. Le prochain sondage devrait sortir dans quelques jours, quelques semaines maximum. Donc, on pourrait voir la tendance puisque là, ça fait quand même 2 sondages qui sortent coup sur coup où on voit une dégringolade, pas une chute. Je dis 31-32. Ça peut jouer, mettons, stabilisons dans les 35. Pour aller là, ça serait très réaliste. 35, eux autres, le Parti québécois, 25 aussi. Et Parti libéral, 33, 36, tout dépendamment de la marge d'erreur. Donc, ça serait plausible. Mmh. Et puis là, lui, il veut faire ça là pendant qu'il dégringole. Et aussi, la semaine passée, si vous avez écouté les nouvelles, vous avez su que le financement de la CAQ a été remis en question. Ils ont dévoilé une liste de donateurs, donc de gens, avec leurs coordonnées. Première erreur. À cette heure, on sait où habite Paul Desmarais et on sait où... Non, il n'a pas donné Paul Desmarais. Lui, c'était au Parti libéral. Mais on sait où habite Mario Carpentier, qui est le grand ramasseur d'argent pour la CAQ. Soyons gentils avec lui en disant ça. Et 46 de ses amis qui font partie de la même boîte d'avocats. OK. Donc, faire de la politique autrement, c'est faire du financement autrement, mais on s'en doute que c'est pas vraiment ça qui est arrivé avec Mario Carpentier, qui est le directeur aussi du parti, et le directeur des finances du parti. Et il a demandé à 46 de ses amis avocats, de ses employés. Bon, les boys, vous allez cotiser. Il a peut-être pas dit ça de même, mais il a dit ça serait le fun pour la CAQ qui ont besoin d'argent. Ils vous donnent tous un bonus de 1000$. Genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça peut. Puis voici un lien internet pour faire un don. Ça peut être de même. Je dis ça de même, là. Je n'assume rien, là. Je n'assume pas. Non, tu présumes rien. Je présume rien. Merci, Mathieu, de me rattraper. Donc, pour faire oublier ça, quoi de mieux que d'attaquer? Habituellement, en politique, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il a sorti les crocs, il a sorti la bave qu'elle a avec et il a déclaré la guerre aux syndicats parce que la droite québécoise adore taper sur la tête des syndiqués. Surtout dans la région de Québec avec la radio, les ondes radiophoniques qui pullulent dans ce coin-là. Il a dit que c'est le meilleur temps pour rabrouer les syndicats et me ramasser une gang qui était frileuse à savoir si j'étais, oui ou non, prêt à en découdre avec ces syndiqués-là. Et là, il a prouvé, de par sa verve exemplaire, que oui, il est prêt à monter au créneau pour se battre contre les grandes centrales syndicales, donc avoir l'appui d'une portion de la population, une frange de la population qui dit « C'est assez, c'est des gros bébés là-là, ces syndicats-là, ils emmènent trop large au Québec, allons-y avec le go, on va te nettoyer ça, ce Québec-là. » C'est un pari. C'est un pari parce qu'il ne faut pas oublier que parmi ces syndicats-là, il y a des syndiqués. Puis les syndiqués sont aussi des citoyens qui votent. Mm-hmm. Donc, me faire obliger de renégocier mon contrat... T'as-tu pas le goût? Puis, tu t'en doutes fort que c'est pas pour augmenter ton salaire et puis diminuer tes tâches. Là. C'est ça. Il va y avoir... la paix sociale est compromise au Québec. Et là, François Legault, il a dit qu'il n'y a aucunement peur des syndicats, mais Louis Roy, président de la CSN, a dit que Legault se disqualifiait pour être chef de gouvernement. C'est, en tant que chef, tu te dois d'être conciliant. Donc, de t'asseoir à une table, de négocier... Et si ça marche pas, tu renégocies, tu continues. Là. C'est parce qu'ils sont combien de membres? Le syndicat? Oui. 40% de la population qui travaille au Québec sont membres d'un syndicat. Donc, qui travaillent, donc ils peuvent voter? Oui, c'est ça. Puis surtout, on s'entend que les centrales syndicales peuvent envoyer des mémos à leurs membres pour dire... Hein, en passant? La CAQ, tu sais, je te dis pas de voter contre. Non, disons que... pas pour, en tout cas. Il apporte des faits. C'est ça, tout à fait. Voici les faits, voici ce qu'ils veulent faire, donc à vous de choisir librement. C'est ça, exactement. C'est comme ça que ça se passe. Mmh. Effectivement. Et puis là, la CSN, la FTQ, qui sont sortis dans les médias, Jean Parent aussi de la CEQ, la CSQ, je me mêle tout le temps, c'est l'autre acronyme dans le temps, c'est la CSQ, ouais, la centrale syndicale du Québec, se sont réunis informellement dimanche soir pour dire qu'est-ce qu'on fait contre la CAQ. Et là, il y a une rencontre plus officielle, une coalition qui se dessinerait qui est prévue de syndicats pour dire alignons nos discours dans le même tout sens le monde ensemble. Pour pas se tirer dans le pied. Faisons une paix entre centrales syndicales pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer Legault ou du moins le discréditer ou du moins appuyer un autre parti. Faut savoir que la CSN, de par ses statuts règlements, ne peut appuyer aucun parti. Elle est donc non partisane. La FTQ, par contre, appuie à chaque élection un parti politique. Un parti. Clairement. Habituellement, comme les dernières élections, ils ont appuyé le Bloc québécois. Et aux élections provinciales, c'est le Parti québécois qui ont appuyé, puisque c'est eux, selon eux, les meilleurs partis pour les travailleurs québécois. Okay. Donc, ils ont été sur le côté plus patriotique que progressiste. Parce qu'en théorie, ils auraient dû appuyer le NPD et Québec solidaire, puisque c'est eux qui sont plus proches des travailleurs. Bon. C'est un choix idéologique que je leur en veux pas, c'est normal. Donc, on verra dans les prochains jours, prochaines semaines, ce qu'il en est de la confrontation caquiste, mais aussi de la coalition, de ce qui peut arriver à la veille d'élections. Donc, c'est certain qu'aux prochaines élections, messieurs, on va avoir un plaisir très gras. Puis j'aimerais ça que ça se déroule là, justement, parce qu'on va pouvoir en parler ici à l'émission. Oui, c'est ça. Ouais, on fera une émission spéciale cet été, ça me dérange pas du tout. Ben oui. Prendre la piscine au téléphone, dire dans le yacht de Tony Arcurzo, là. Ou Tony Conte, les deux ça marche. Ah ben, je sais pas s'il y a un yacht, mais. Lui, il a plus une chaloupe qui coule parce qu'il est comme coupable. Là. Il s'est fait. Il était reconnu coupable. Il était reconnu coupable. Oh, oui. On l'a pas cru, quelqu'un dit qu'il passait là par hasard. Il voyait pas l'anglais. Ah oui, oui, j'ai pogné ça. Ah, c'est incroyable. Un italien. Du côté du Parti québécois, Nicolas Marceau, qui a fait le porte-parole officiel du Québec du Parti québécois en ce sens-là, a dit « Quand on signe un document, en principe, on est tenu de respecter sa parole. Ce que nous annonce François Legault, c'est qu'avec la CAQ, les ententes signées, ça ne tient plus la route. » Il trouve ça surprenant. Donc, lui-même, Legault, qui ne respecterait pas les contrats, les signatures, comment pourrait-il reconnaître d'autres enjeux? Donc, oui, on va passer une loi, mais oui, j'ai une poignée dans le dos, là. Tu vas la re-signer ou tu vas la déchirer quand je serai pas. Non, c'est... Et du côté du Parti libéral, la réaction, ça a été que l'impression qu'il nous donne, dit Jean-Marc Fournier, qui est le leader parlementaire, c'est qu'il veut tout démolir. Démolir les relations avec les syndiqués qui ont des conventions collectives. Démolir les initiatives de développement économique. Donc, les mots très durs. Il y en a un qui ne respecte pas sa signature, puis l'autre qui veut démolir les institutions. Et Yves Bolduc, ministre de la Santé, a dit redouter un climat de confrontation qui veut, à son avis, instaurer la CAQ avec le personnel de la santé. Du reste, François Legault est le ministre qui a participé à la destruction du réseau de la santé alors qu'il était au Parti québécois dans les années 90. Donc, on va vraiment jouer sur le plan personnel, professionnel et surtout sur ses expériences de travail antérieures. Donc, les couteaux vont voler extrêmement bas. Et ça pourrait vraiment être le chaos si, exemple, les syndicats déclenchent une grève... Peut-être. Ça s'est pas vu depuis les années 70. Le deuxième front en 72, si ma mémoire est bonne, Simon, les centrales syndicales ont déclaré le deuxième front. Donc, ils ont dit une grève générale donc de syndiqués. Et aussi, on rouvre un front politique. On va s'immiscer dans les campagnes électorales. Et en 72, Robert Bourassa a regagné les élections quand même. Mais il a mangé une volée. Là, parce qu'en 76, c'est le Parti québécois qui a balayé le Québec. Donc, si les centrales syndicales se mêlent de la partie, si le Parti québécois avec la paix Pauline. Maintenant retenue avec Pauline à sa tête. Écoute, la chef de béton, on l'a déjà oublié, hein, la dame de béton. Ça n'a pas marché. Ben, la dame de béton qui est Pauline sort les crocs elle aussi. Et Québec solidaire qui a quand même une base de 10% d'électeurs et surtout un programme proche des syndiqués. Et qui est de plus en plus présent. De plus en plus présent. C'est rendu un acteur incontournable au Québec, malgré qu'il soit pas très ancré dans les mœurs politiques québécoises. Non, mais ça vient aussi avec le... C'est comme la petite mouche là, qui tourne dans ta chambre la nuit, là, incapable de dormir avec elle dans ta chambre. Hein? Donc, Québec solidaire est là pour ça, pour déranger. Et ça va être à surveiller. Je vais peut-être faire des pronostics éventuellement. Québec on va faire un pool. Là. Ah ouais, c'est certain qu'on se fait un pool, puis on va peut-être l'ouvrir aux auditeurs aussi. Donc, okay, ça serait cool. Ça serait bien hein, de faire un pool. Ouais, je pense, Mathieu, on va s'en parler après. Parfait. Donc, un grand pool, savoir combien de députés, combien. Mais je peux déjà prédire qu'à Québec solidaire, du moins 4 à 5 députés solidaires qui se feraient élire. J'exagère même pas. Tout dépendamment de la confrontation qui s'en vient avec la CAQ et s'ils continuent à dégringoler. Donc, division du vote ultime au Québec. Ça va être palpitant de voir ça. Enfin, les cartes vont être brassées. Le jeu de cartes va être brassé. Les deux jokers vont sortir. Il va peut-être avoir trois jokers avec Legault, Marois et Charest. C'est qui fait la petite carte d'instruction que tu jettes? Je sais pas. Ça, il y en a pas. Les tiers partis. Je sais pas. Là. Option nationale. J'avais déjà oublié cette partie-là. Ils vont d'ailleurs peut-être fusionner avec le PQ. Ah, c'est ce qu'ils disaient. Québec solidaire, ouais. Dans le Soleil, il y a un article là-dessus aujourd'hui. C'est ce qu'ils veulent. J'avais beaucoup de membres de Québec, non pas de Québec solidaire, mais d'Option nationale qui ont passé les derniers mois à bâcher soit sur le PQ ou Québec solidaire, qui risquent peut-être de se retrouver membres. Je trouve ça. Je vais lire ça avec intérêt, Simon. Ça m'intéresse beaucoup, l'avenir d'Option nationale. Donc, voilà pour l'instant. Donc, élection, préparez-vous mentalement, du moins, à passer un mois électoral fulgurant. Mais là, ça pourrait être déclenché quand? Pour le 26 mars. Pour le 26 Donc, mars. Donc, si les élections ont lieu le 26 mars, ça me surprendrait que ça soit pour le 26 mars. Mais, mettons, fin mars, début avril, ça me surprendrait pas qu'un lundi, on aille voter. OK. Et ça, faut-tu déclencher quoi? Un mois? C'est 30 jours avant. 30 jours? Donc, 30 jours de campagne minimalement. Donc, ça peut être 60 jours. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommageable, une campagne électorale. Faut pas oublier ça. Et faut pas oublier que Jean Charest est toujours le meilleur dans les deux dernières semaines. Donc, les deux premières semaines, Charest va manger une volée, mais il va revenir à partir du débat. Charest, c'est un super héros. En politique, c'est mon idole. Juste la manière de faire de la politique, c'est mon idole. Je partage aucune de ses idées. Mais c'est un débatteur, un politicien hors pair qui a de l'expérience derrière la cravate. Étonnez-vous pas s'il est le prochain premier ministre. Étonnez-vous juste pas. Ça ferait longtemps que ça, là? Il battrait Maurice Duplessis de 44 à 59. Il battrait. Donc, Jean Charest ferait son entrée dans le livre d'histoire du Québec, mais pas nécessairement pour la bonne raison. Hein? Donc, voilà. La semaine prochaine, on surveille ça. Merci. Fantastique. Hey, merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. Excellente chronique, comme toujours, le Classe 101, François Landry, jeudi prochain à 8h30. Ouais. Ouais, nous, bon, ouais. On termine là-dessus, tout le monde. C'est la fin de l'émission pour cette semaine. Hein? Ça a passé vite, je trouve, avec autant de contenu. Oui. Ça n'avait même pas d'allure cette semaine, les chroniqueurs par-dessus chroniqueurs, par-dessus chroniqueurs. Hein? Bon. Donc, lundi à l'émission, on va avoir Kiwan en direct de l'Alberta, Kiwan en cavale, bien sûr, à 7h15. Ensuite, à 8h, il y aura Xavier Antoire et sa chronique Tais-toi et cuisine. Et puis, à 8h30, Nicolas Ducharme. Oui, Nicolas Ducharme, il va nous parler de sport. Ce sera lundi. Aussi, dans les prochaines semaines, des nouveaux chroniqueurs vont s'ajouter à l'émission. Donc, surveillez ça. Ça s'en vient. On va annoncer ça sur Facebook très bientôt. Sinon, restez à l'écoute pour CNX.zip à partir de 10h, où je vais récapituler. Toujours dur à dire ça. Les chroniques CNX de la semaine. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Kim Bergeron. À 6 degrés. Je serai de retour à 14h avec Jasmine Raymond-Neville pour les palmarès C'est fou. Et plus tard en soirée, la spirale, espace-temps et le cortex. Allez voir le CIF.ca pour la programmation. Et sur la page Facebook d'Assemblage Requis pour les notes de l'émission d'aujourd'hui. Parce que notre site marche pas. Marche pas aujourd'hui. Il y en a qui payent pas. Non. On m'a pas envoyé de facture. La facture était partie dans le mal. C'est à peu près ça. Bon. Passez une excellente journée, une excellente fin de semaine. Puis on se retrouve lundi. Merci, Simon. Merci. D'ailleurs, t'animes avec Jasmine Raymond Drainville. Elle fait dire que son gruau est liquide. Donc tu y parleras de ça dans les palmarès. Son gruau est liquide. Moi, je déteste le gruau, qu'il soit liquide ou pas. Je déteste le gruau. Ah oui, mais c'est plein de fibres. C'est du monde contre le cholestérol. Fibres. Mange des Cheerios et du yogourt à la place. Cheerios, il y a trop de sucre. T'es comme pas supposé avoir autant de sucre dans un bol de sucre. Prends les pots au miel et noix. Nature, ça va. Bien sûr. Ouais. Il y a des multigrains aussi. Ouais. Plein de sources de fibres contre le gruau parce que c'est dégueulasse. Du spaghetti de fibres aussi. C'est moi, bon, faut que j'y aille. Faut que j'y aille, François. À la prochaine. Ah, aux toilettes, justement. Oh. Il est régulier à 9h. Depuis toujours. Je le sais, je le vois faire. Merci, François Landry. Merci. Secret, qui voit de la liberté. Passez une excellente fête de semaine. Bye. Bye, bye. J'ai fait une bonne fête de semaine comme 3 fois, mais c'est parce que vous le méritez. Be the same.